Au-dessus des eaux, l'église restait debout, avec son petit clocher carré. Nous en étions séparés par 7 maisons. Notre ferme, la première du village, s'adossait à un bâtiment plus haut, qui lui-même était appuyé au bâtiment voisin. Peut-être, par les toits, pourrait-on en effet gagner le presbytère, dont il était aisé d'entrer dans l'église. Beaucoup de monde, déjà, devait s'y être réfugié, car les toitures voisines se trouvaient vides, et nous entendions des voix qui venaient sûrement du clocher. Mais que de dangers pour arriver jusque-là. C'est impossible, dit Pierre. La maison des Rimbaud est trop haute. Il faudrait des échelles. Je vais toujours voir, reprit Cyprien. Je reviendrai si la route est impraticable. Autrement, nous nous en irions tous. Nous porterions les filles. Je le laissais aller. Il avait raison. On devait tenter l'impossible. Il venait, à l'aide d'un crampon de fer fixé dans une cheminée, de monter sur la maison voisine lorsque sa femme aimée, en levant la tête, vit qu'il n'était plus là. Elle cria. « Où est-il? Je ne veux pas qu'il me quitte. Nous sommes ensemble. Nous mourrons ensemble. » Quand elle l'aperçut en haut de la maison, elle courut sur les tuiles, sans lâcher ses enfants, et elle disait « Cyprien, attends-moi. Je vais avec toi. Je veux mourir avec toi. » Elle s'entêta. Lui, penché, la suppliait en lui affirmant qu'il reviendrait, que c'était pour notre salut à tous. Mais, d'un air égaré, elle hochait la tête, elle répétait « Je vais avec toi. Je vais avec toi. » Qu'est-ce que ça te fait? Je vais avec toi. » Il dut prendre les enfants, puis il l'aida à monter. Nous pûmes les suivre sur la crête de la maison. Il marchait lentement. Elle avait repris dans ses bras les enfants qui pleuraient, et lui, à chaque pas, se retournait, la soutenait. « Mets-la en sûreté! Reviens tout de suite » criai-je. Je l'aperçus qui agitait la main, mais le grondement des eaux m'empêcha d'entendre sa réponse. Bientôt, nous ne les vîmes plus. Ils étaient descendus sur l'autre maison, plus basse que la première. Au bout de 5 minutes, ils reparurent sur la troisième, dont le toit devait être très en pente, car ils se traînaient à genoux le long du faîte. Une épouvante soudaine me saisit. Je me mis à crier, les mains aux lèvres de toutes mes forces. « Revenez! Revenez !»